À l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, le président kényan Uhuru Kenyatta a fait parvenir un message de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Le destinataire s'est convaincu du développement continu des relations bilatérales conformément aux intérêts des peuples de deux pays. Il a souhaité santé et bonheur au maréchal Kim Jong-un et prospérité continue au peuple coréen.